5, 4, 3, 2, 1, 0. On va parler de basketball universitaire. On sait qu'on a parlé avec Quincy Guerrier au cours des dernières semaines. Quincy Guerrier qui est avec l'Orangeman de Syracuse dans la NCAA. Là, on a rejoint un autre Québécois qui joue pour l'Université du Colorado, qui est Keyshawn Barthélémy. Dans sa première année. Salut, Keyshawn. Salut, ça va bien? Ça va bien, Keyshawn. Comment que ça se passe, ton intégration avec l'Université du Colorado? Ben, ça a été une intégration un peu lente. L'an dernier, j'ai redshirt. Donc, j'ai pris l'année pour devenir meilleur. Puis, cette année, j'ai eu mes premières games. J'ai été un peu comme up and down, comme on dit en anglais. OK. Mais c'est vraiment une bonne adaptation, puis je suis fier de ce que je suis en ce moment. OK. Est-ce que tu as joué, tu as commencé des matchs avec l'Université du Colorado? J'ai juste commencé un match OK. contre Tennessee, au mois de no je pense au mois de décembre. OK. Et après, ouais, j'ai plus commencé les matchs, mais j'ai quand même joué, puis je suis content qu'on est où ce qu'on est en ce moment. Et là, je pense que vous connaissez quand même une bonne saison à l'Université du Colorado, hein, parce que je regardais le classement avant d'arriver en nombre. Vous avez une fiche de 14 victoires, je pense. Vous êtes quatrième du Pac-12. Vous avez une bonne fiche contre les équipes du Pac-12, ce qui fait en sorte que vous êtes quatrième. Vous avez des bonnes chances de participer au moins aux séries du Pac-12. Oui, le tournage va se faire. On part mercredi pour le Pac-12 Tournament. OK. Et on est troisième dans le tournoi, donc on devrait avoir une bonne chance de gagner. Puis j'ai hâte. OK. Dis-moi, l'Université du Colorado, c'est quand même une bonne saison également, comparativement aux autres années. Mais ça, est-ce que vous avez des bonnes chances de participer au March Madness? Moi, je pense qu'on va réussir à franchir ce step. Puis, ouais, moi, je pense qu'on a des bonnes chances. OK. Toi, finalement, là, tu es à ta deuxième année, donc l'an prochain, tu vas revenir à l'Université du Colorado normalement. Est-ce que c'est une possibilité pour toi? J'imagine que l'an prochain, tu vas viser un poste de partant. Bien sûr, parce que notre meneur de jeu partant, c'est un signeux. Donc, OK. dès qu'il va partir, il y a une porte qui va s'ouvrir, puis je vais tout faire pour avoir les clés de cette porte, puis de l'ouvrir, puis d'avoir des opportunités pour moi-même. OK. Est-ce que le basketball collégial au Colorado, est-ce que c'est quand même populaire? Parce qu'on entend parler beaucoup de l'Avalanche, des Broncos, également des Rockies, des Nuggets aussi. Mais le basketball universitaire au Colorado, est-ce que c'est quand même populaire? Ben nous, l'an dernier, quand j'étais ici, il y avait beaucoup de fans qui nous supportaient dans la région du Colorado. Puis comme tu as dit, les Nuggets aussi, c'est une bonne équipe. C'est pas comme s'ils sont pas vraiment bons, ils sont dans les séries à chaque année. Puis pour répondre à ta question, oui, c'est vraiment populaire au Colorado, le basket. OK. Dis-moi, Kishan, en terminant, tes plans de carrière pour toi, c'est quoi? Est-ce que la NBA, tu vises la NBA? Tu vises peut-être l'Europe? Il y a une nouvelle Ligue canadienne de basketball également. Est-ce que c'est des possibilités pour toi dans ton cas? Moi, je vise toujours le plus haut Oui, possible c'est sûr. la NBA. Puis, c'est sûr qu'au début de saison, j'avais des attentes pour moi-même, mais c'est jamais un sprint, c'est toujours un marathon. Puis, c'est jamais le premier qui arrive qui va gagner, non, en fin de compte. C'est juste, le but, c'est d'y arriver, puis de rester constant, puis de signer une carrière. Puis. As-tu affronté Bénédicte Mathurin? Oui, on a joué contre lui deux fois cette saison. On a joué contre lui à Arizona, je pense, en décembre, puis on a joué au Colorado en février, si je ne me trompe. OK. Donc, j'imagine que vous avez l'occasion de vous voir parce que vous connaissez au Québec. Oui, on a joué ensemble en bantam quand on avait comme 13-14 ans, je dirais. OK. Puis jusqu'à l'an dernier, on jouait ensemble dans beaucoup d'élites, puis ces équipes-là. OK. Fait qu'il chante, bravo, félicitations, on va te suivre. Puis l'an prochain, on va t'en reparler un peu, puis on va te suivre, évidemment. Il y a quelques matchs de l'Université du Colorado qui sont présentés à TSN également. Donc, bravo, puis on s'en reparle bientôt. Merci. Keyshawn Barthélémy de l'Université du Colorado.